La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Saison 2. Épisode 1. L'invasion peu spectaculaire des extraterrestres. Il y a bien longtemps, en 2017, les extraterrestres nous envahirent de façon peu spectaculaire. S'il vous plaît, pouvez-vous rester en rang ? Les personnes qui ont déjà reçu leur tatouage peuvent récupérer leur kit d'acculturation et rentrer chez elles. Il y a quoi dans ce kit ? Un bracelet en plastique, les paroles de l'hymne Zarmulaxian, une clé USB et des autocollants. Ça fait quand même bizarre de se faire envahir par les extraterrestres. Non, c'est pas plus bizarre que de voter, finalement. Ouais. Et en effet. Ça n'était pas si pire. Ces extraterrestres, mieux vaut s'en méfier. Je sais pas. Je trouve qu'ils font plein de trucs super. Rien que la suppression de la taxe d'habitation, ça change tout. Bientôt tout le monde trouve leur présence complètement normale. Quoi que projettent de faire les extraterrestres, on va assister à une recomposition de la vie politique. C'est pourquoi je les soutiens et j'appelle les réformistes à prendre leurs responsabilités. Et que répondez-vous à ceux qui, dans votre propre famille politique, vous disent aujourd'hui de repartir avec eux sur Kepler 438b et d'y rester longtemps ? Écoutez, mon soutien à Zarmulax n'est pas un choix de cœur, mais de raison. L'intérêt supérieur de la planète va au-delà des règles d'un parti, d'une commission ou d'un système solaire. Les extraterrestres s'exprimaient très convenablement dans les langues terriennes. Grâce à un dispositif intégré à leur larynx. Et somme toute, pas très compliqué. Bonjour, Empereur Zarmulax. Bonjour, je vais prendre une baguette, s'il vous plaît. Pas trop cuite, comme d'habitude. Ça, merci. Cela posait quand même quelques problèmes de traduction. Une certaine confusion, notamment, résultait du fait que pour les extraterrestres... C'est nous qui étions des extraterrestres. Une bonne nouvelle, l'invasion de la Terre n'a rencontré qu'une faible résistance aujourd'hui de la part des extraterrestres. Bien fait pour ces saloperies d'extraterrestres. La plupart des peuples de la planète semblent... C'est nous les extraterrestres. ...par la culture zarmulaxienne. On a bien rencontré une forme d'hostilité sur le front. Et c'est ainsi que les extraterrestres se furent rapidement fondus dans le décor. Empereur Zarmulax, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité du 7-9, merci d'être avec nous. Tout de suite, une première question d'un auditeur. Alain, vous êtes à l'antenne. Oui, allô. Bonjour Monsieur Zarmulax, bonjour Patrick Cohen. Bonjour Alain. Alors je voudrais simplement vous demander, dans la mesure où ma femme et moi, on est réquisitionnés comme esclaves pour aller chercher des diamants dans les mines de Saturne, est-ce que vous trouvez ça normal qu'on touche 600 euros par mois pour 35 heures ? Voilà, oui. C'est ma question. Écoutez Alain, si je suis venu de Kepler 438b avec une flotte de 600 vaisseaux et des légions de soldats, c'est avant tout pour combattre le système et proposer une alternative. Esclave aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez aujourd'hui la possibilité, Alain, de participer à la construction d'un empire qui s'étend sur plusieurs galaxies. Alors oui, ça demande des efforts, mais au moins, vous vous inscrivez dans un projet qui a du sens. Il est vrai que l'exploitation des mines de Saturne n'était pas de tout repos. Mais de toute façon, elle allait bientôt être délocalisée en Pologne. Ce n'est pas une question de coût de la main-d'œuvre, c'est une question de capital humain et de compétences. Il y va un peu fort là quand même. Non mais tu sais, dans cette région, si on n'avait pas été envahis par les extraterrestres, les gens voteraient massivement FN. Quelque part, c'est un mal pour un bien. Un sentiment de déshérence s'empara de la société. Il ne fallait pas qu'il s'installe. Très vite, les extraterrestres eurent l'idée du service comestible obligatoire. Instaurer le SCO, c'est d'abord une manière de restaurer le sentiment national. D'ailleurs, personne ne fut choqué par les premiers abattoirs. À part les antispécistes qui, de toute façon, n'étaient pas objectifs. Découvrez la première pizza garnie des deux côtés. À déguster en apesanteur dans tous les restaurants Pizza Hut situés en orbite terrestre. T'as vu cette vidéo sur les conditions d'abattage des humains ? T'es gentil, je mange là. C'est ta propre mère, Romuald. Oui, bah justement, j'ai pas forcément envie. À nouveau, l'opposition était marginale. Josiane, bonjour, votre question. Bonjour Patrick. Alors, moi je voudrais demander à l'empereur Zarmulax si on peut espérer une plus grande transparence sur le contenu des granulés qui nous sont distribués. Voilà. Ah, important, Zarmulax. Je vous remercie pour votre question, Josiane. Alors, écoutez, aujourd'hui, on est dans un souci de préserver au maximum la qualité. Et c'est pour ça qu'on développe en priorité le bio. Certes, les mutations de la société étaient de plus en plus difficiles à suivre. La course de l'espace va bientôt commencer. Les vaisseaux se placent sur la ligne de départ. Attention, Ils vont tous à la vitesse de la lumière, donc la course. J'ai pensé à toi. J'ai pris des granulés vegan. Ah bah non, je suis cannibale maintenant. Bah ouais. Et si tout le monde faisait comme moi, on réduirait les émissions de CO2 de 80% en moins de 10 ans. Les arbitres sont en train de repasser la vidéo. Bah je savais pas. Mais la perspective d'être mangé par les extraterrestres ou par ses proches était largement compensée par la qualité de la vie, la sécurité de l'emploi et la satisfaction de servir un vrai projet de société. En conclusion, je dirais qu'on a résolu avec cette mesure trois grandes crises majeures. La crise de la surpopulation, la crise environnementale et la faim dans le monde. Voilà, merci de m'avoir invité. Je vous remercie. Maintenant, si vous le permettez, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Je vous en prie également. Pour Zarmulax, merci d'avoir été avec nous. Que faites-vous ? Mais lâche ! Non, lâchez-moi ! Aujourd'hui, la bulle Zarmulax s'est dégonflée. 64% des personnes interrogées se disent défavorables aux services comestibles obligatoires. Contre 22% pour et 12% d'indécis. Le problème, c'est que c'est un peu tard. Surtout que les clôtures sont toutes électrifiées maintenant. S'il vous plaît, j'aimerais aller aux toilettes. Vous ne pouvez pas faire ça dans l'herbe, comme tout le monde ? Bah oui, j'essaie, mais j'ai pas l'habitude. Bah il faudrait vous dépêcher, parce qu'il est bientôt 18h30, on va vous ramener à l'intérieur. Je vais faire mon possible, oui. Merci pour votre compréhension. Du tout, c'est normal. C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitant. Avec Guillaume Marquet, Laurent Houllier, Charlotte Durand, Dominique Parent, Dominique Labour, Camille Blouet, Philippe Privat, Thomas Gourde, Sabine Zovidi, Alexandre Rudy, Christina Crévillier, Camille Pellissier. Retrouvez le générique complet de cette émission sur franceculture.fr.